catastrophe, tu te réveilles en retard. Pour une fois que t'es pressé. Bon sang, il est déjà 8h moins le quart. Il va falloir speeder. Tu t'agites comme un malade sur ton rasoir. Et tu finis par te couper. Pas le temps de pleurer, tu envies le costard. Quand tout s'accumule.